de City sur Fadjet. La musique de toutes les cultures. Présentée par Jérôme. Bonsoir à vous tous, vous qui nous rejoignez sur les ondes de Fadjet, c'est le moment de s'évader avec Music and the City, votre rendez-vous hebdomadaire qui n'a pas peur des dromadaires. Oui, je sais, c'est mauvais, c'est tout ce que j'ai trouvé pour la rime cette semaine. En tout cas, la programmation, elle, ne sera pas à l'image de cette boutade ridicule, puisque ce soir, on accueille des artistes d'exception. Premièrement, un Américain à la voix incroyable, des petites créatures jaunes également, dans un remix déjanté, et pour finir, une grande star des années 80 à la chevelure courte. Vous l'aurez compris, une demi-heure de pure musique avec, pour débuter, notre Christina Aguilera et son titre Your Body. Issu de l'album Lotus de 2012, le succès n'était pas vraiment au rendez-vous et pourtant l'album était très bon. Alors on va faire justement un bond de 6 ans en arrière sur Fadjet. Bon appétit à vous et surtout bonne écoute, c'est parti. Talking. Hey boy, so don't even tell me your name. All I need. 19h30, 20h, Music and the City sur Fadjet. L'artiste qui va suivre est un ovni dans le paysage musical du monde. Et pour preuve, à la première écoute, on penserait qu'il s'agit de la voix de Christina Aguilera que l'on vient justement d'entendre. Et vous remarquerez d'ailleurs la superbe transition entre ces deux artistes. Tout est calculé dans Music and the City, mais bien sûr. Bon, revenons à Josh Strickland. Jeune américain dans la trentaine, on peut dire qu'il a du talent à revendre. S'il s'est fait connaître fin des années 2000 avec sa participation à la comédie musicale Tarzan de Disney, eh bien il est aujourd'hui beaucoup plus discret et c'est un regret amer. Car je n'ai jamais entendu une telle voix pour un individu de la gente masculine. Voix puissante, pas une fausse note et aucun trafic informatique. Le digne successeur de Christina, voire de Céline Dion. En 2011, il a proposé le titre Last Dance. Un titre sans doute prémédité car il s'agit quand même du second et dernier titre original qu'il ait sorti. Alors découvrez tout de suite maintenant, ou redécouvrez d'ailleurs, cette voix absolument unique. Et oui, je le répète, il s'agit bien d'un homme qui chante. C'est parti pour Josh Strickland avec Last Dance. The silence, turning it on for the last dance. Do you want? Les artistes oubliés reviennent dans Music and the City. Légende des années 80, il était tout à fait légitime qu'un jour ou l'autre, j'en arrive à vous proposer un de ses titres. Ancienne mannequin, reconvertie dans la chanson en 1977, Grace Jones a toujours fasciné par son côté androgyne et décalé. À l'image d'ailleurs d'autres artistes comme David Bowie ou encore Amanda Lear, Grace Jones fut l'une des muses de quelqu'un de très célèbre, Andy Warhol, et également de toute une génération prônant la liberté, l'amour, la paix. Si ses trois premiers albums ont surfé sur la vague disco, les suivants ont proposé une caractéristique un peu plus rock, collant parfaitement avec sa voix masculine. Grace Jones, qu'est-ce donc ? C'est de l'excentrisme et de l'artiste à l'état pur. Un côté très psychédélique que l'on retrouve parfaitement dans le clip de la chanson Love is the Drug, tout droit venu de 1980. Un titre calibré pour les boîtes de nuit qui fait encore danser aujourd'hui et qu'on va se faire un plaisir de se remémorer tout de suite dans Music and the City. Évadez-vous sur Fadjet dans Music and the City. Le style pop-rock a vraiment émergé dans le début des années 2000. Si on retient aujourd'hui les Avril Lavigne et autres Blink 182, il y a des artistes médiatiquement moins connus qui ont proposé des titres que vous avez probablement oubliés. Mais pas moi, parce que je suis une discothèque à moi tout seul. Et c'est justement le cas de Mitchell Branch, qui proposait en 2001 l'album The Spirit Room, vendu à plus d'un million d'exemplaires aux États-Unis cette même année, il faut le savoir. Et dans cet album, on y retrouvait notamment les singles Everywhere, All You Wanted, que vous pourrez redécouvrir la semaine prochaine, j'annonce déjà à l'avance, et le sublime Goodbye to You. Deux versions de cette chanson existent justement, une version pop-rock et une version guitare acoustique. Alors j'ai longtemps hésité sur le choix de la version à vous proposer ce soir, puis je me suis dit qu'un beau duo guitare-voix, bah, ça pourrait vous faire plaisir. Bah, j'ai bien fait, non ? Mais bon, bah, de toute façon, quelle que soit votre réponse, c'est Mitchell Branch tout de suite avec Goodbye to You sur Fadjet dans Music and the City. Of all the things I believed in, I just wanna get it over with. Tears form behind my eyes, but I do not cry. Counting the days that pass me by. Goodbye to you. Music and the City vous fait découvrir des thèmes ensoleillés sur Fadjet. Il s'agit des créatures les plus emblématiques du cinéma d'animation. Contentés d'un second rôle dans le premier film, le public les a tellement adorés qu'un film à leur image est apparu dans nos salles obscures en 2016. Censés être méchants, ils sont plutôt bêtes et attachants. Vous les avez reconnus, les mignons nous ont fait hurler de rire et ils vont continuer ce soir avec une chanson. Mais alors rien à voir avec les titres disponibles dans les films moins moches et méchants, non non non. Ce soir, on a affaire à un célèbre DJ qui a décidé, à la sortie du film en leur nom, de remixer les petites créatures jaunes pour en faire un titre club complètement barré. Et l'association du talent de Juan Alcarez avec la bêtise et les phrases cultes des mignons, eh ben ça donne Minion Bones. Un énorme bisou à Créatures Maléfiques et à mon bichon qui nous écoute ce soir et qui glorifie justement ces petites créatures jaunes. Il est temps de prévenir vos enfants parce qu'ils vont adorer. Il est temps de monter le volume, peut-être même de prévenir le DJ de votre boîte de nuit préférée, parce qu'on va découvrir le tube planétaire des mignons. Et ça, c'est la banane! Tu les bella con la papaya. Music and the City sur Fadjet. L'émission se termine avec les mignons et on adore la banane. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, toujours 19h30, le lundi soir, et bien évidemment le podcast sur le Facebook de l'émission, et surtout la rediffusion le samedi à 18h30. Écoutez la rediffusion, ça fait toujours plaisir, surtout si vous avez manqué l'original. On retrouve également les copains de la Team VHS ce jeudi à partir de 20h jusqu'à 21h, et j'en ferai partie comme toutes les semaines, donc soyez au rendez-vous. En attendant, écoutez de la musique, je vous embrasserai fort et à plus. Ciao, ciao.